profite par choc. Ce qu'on est devenu, on le doit à la hure. Tu sais, y'a que chez les enculés qu'il n'y a pas de doublure. Du rap sale, des grosses voitures et des grosses coupures. On vient de l'école de ceux qui rappent dur sur des sons purs. Du troisième underground au sixième chaudron, sa carbure. Carré pur et son sécongo, elle est pure et pourvu que ça dure. Rien ne peut ébranler notre foi, pas même les murs. Ça sent le parfum des années où tu ignorais cette culture. Ton rap, on l'a mis haut, avec on fait du Zeyo. Je me raconte pas, fuck pour l'histoire, va voir un trio. On crie haut, Sam Favelas face de Rio. Dio, bord du Zakat, pas en trio. Arsenic, C-C-A-L-P-O et Lino. À genoux, si tu me vois, c'est juste que je m'adresse au très haut. Avec brio, on a passé les épreuves du bloc. Drôle d'époque, on écrit au scalpel et on slash au style. Quel que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête au fric. Quel que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête au fric. Voilà les têtes brûlées qui foncent tête. Baisser, c'est pour les têtes blessées, un bon son coup de tête. Faut dominer ces zones d'ombre et ces démons. L'enjeu péter la compète, faut qu'on pète la compète. Rêve de mondanité, trop peu de solidarité. C'est déjà, c'est sec pour nos libertés. Du 9-5 au 7-7, un cocktail de bousillés. Scier tous les canons aiguisés, les chasses à famille. C'est mis la vérité à poil, elle fait un district. La France est sauvée, pour le district. Laisse plus de vitrine, fais les pas choquer. Braque l'industrie, pète le loguer du crime. J'rappe sur la scène, ok tu cries. J'viens croquer dans la batterie, j'suis un larcène. Je vis dans une cible, l'homme à éliminer. De la haine peut naître un génie ou un criminel. Un jour on paye la violence gratuite. Mes cicatrices sont là pour le prouver. Une rafale de perdu, dis douille de retrouver. Quel que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête au flic. Quel que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête au flic. Si les chocs renforcent l'exemple de Mohamed Ali, stop. Soit tout le monde croque, soit tout le monde se foque. Personne ne bloque, qui complote. En cas de complot, entre potes, pas de froc. C'est arme bloc placé, tu provoques, tu peux glisser. Philosophie de par soc, le rap game est blessé. J'vise la tête en plein centre, la gâchette est pressée. La vengeance est patiente, agressée. Les ondes saignent, philosophie du Jackson. Les grandes douleurs sont muettes, crois-moi sur parole, j'suis une exception. Ce sont une inspection, parce que de mortel on passe à déception. On va mettre ton rap à la diète, on a sa description. Enfoiré, maintenant c'est dead, passe à la détection. Venu pour terrasser, venu pour faire le job. Une réflexion pour une action, qu'un lyric sans prod ou acapella. Dit qu'il a dit qu'il n'y a qu'un seul code, qu'un seul son, quelle que soit la sélection de ton iPod. Quelle que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête au flic. Quelle que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de philosophique. Quelle que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de philosophique. Quelle que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots francs. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête, Tu ressens l'impact d'un bon son coup de philosophique. Patient. Celle-là c'est pour les blocs, Oh, oh, hey, écoute. Philosophie de par choc, Deux balles arsenic. Yeah.